one in the front of the with the sun. The last time I saw her, psychiatric hospital. Psychiatric hospital. Psychiatric hospital. Psychiatric hospital, yeah. Now I know I did you wrong. Now I know I did you wrong, wrong, wrong. Now I know I did you wrong. Now I know I did you wrong, wrong, wrong. Now I know I did you wrong. Now I know I did you wrong, wrong, wrong. Yes, I love your rainbow. And I love your rainbow. Yes, I love your rainbow, rainbow, rain. Yes, I love you, rainbow. Never leave me, rainbow. You got to leave me, rainbow, rain. Please help me, rainbow. You got to leave me, rainbow. Alpha Blondie en souvenir sur Réunion Première. Ce soir avec Jean-Paul Mélade pour Culture Première, ses invités juste après le journal de 18h, Muriel Henrico pour le 7e salon du livre de jeunesse qui se tient du 5 au 9 octobre et également parmi ses invités, Philippe Bonhomme pour la première édition du concours Un mobile, un film, une minute. Les inscriptions donc c'est avant le 31 octobre et puis également l'autre invité c'est Teddy Moutalika qui viendra parler du festival qui se déroulera avec Réunion Première, donc pour le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. C'est Enfants Zillois, Culture Première, juste après votre journal de 18h. Bon appétit à tous avec Réunion Première et les midis. Le journal, Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. L'enquête sur le viol d'une étudiante lundi sur le campus du Moufia se poursuit. Le suspect interpellé mardi a finalement été relâché hier sans poursuite. On fait le point sur les investigations dans un instant. C'est son premier déplacement officiel en tant que ministre des Outre-mer. Éric Abarecht est arrivé à Mayotte ce matin et les Mahorais attendent beaucoup de sa visite. Nous l'entendrons. Après les croquettes pays pour chiens, la marque Caneo lance une gamme d'alimentation destinée aux chats. Ils sont produits à La Réunion. Explication dans ce journal. Bienvenue sur Réunion Première. Après le viol dénoncé lundi par une étudiante à la fac de Saint-Denis sur le campus du Moufia, les policiers sont toujours à la recherche d'un suspect. Mardi après-midi, un jeune homme avait été interpellé et placé en garde à vue, mais après vérification, les enquêteurs ont écarté son implication et il a été relâché hier. Les policiers de la Sûreté départementale poursuivent leurs investigations. Ils recherchent un suspect. Les précisions de Delphine Poudroux. Pour l'auteur présumé des faits, un viol sur une jeune étudiante de 17 ans, les heures et peut-être les minutes de liberté sont comptées. Aujourd'hui, si le premier suspect n'a pas été identifié comme l'agresseur, l'étau se resserre autour d'un deuxième suspect, un homme qui pourrait porter un tatouage et qui serait déjà connu des services de police. Un homme qui a certainement dû s'éloigner de son domicile habituel pour se mettre à l'abri de la traque lancée contre lui. Car si la police l'a identifié avec certitude, son portrait circule sans doute déjà pour les contrôles. Depuis lundi, en tout cas, les policiers de la brigade des mineurs disposent d'un éventail de moyens pour le retrouver. Pour l'interpeller, ils peuvent même user de la force si besoin. C'est en tout cas ce que prévoit l'enquête de flagrance, dont les limites sont définies par les articles 53 et suivants du Code pénal. Delphine Poudroux. Et en réponse à la mobilisation de plusieurs centaines d'étudiants suite à cette affaire, la présidence de l'université et la direction du CROUS de La Réunion ont annoncé hier le déblocage de 220 000 euros pour renforcer la sécurité sur le campus. Comment améliorer cette sécurité des étudiants sur le campus? C'est la question posée ce midi dans votre émission C'est dans l'actu, à 12h15, juste après ce journal. Pour en parler, Philippe Dornier recevra notamment le président de l'université, Frédéric Miranville, et le directeur du CROUS, Jean-Paul Duprat. Prenez part au débat par téléphone au 0262 99 2000, par SMS au 06 92 70 2000, également sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag CDL à première et sur la page Facebook de l'émission C'est dans l'actu. La sécurité est décidément au cœur de l'actualité. Ce jeudi, le conseil municipal de Saint-Paul doit se pencher cet après-midi sur l'installation d'une quarantaine de caméras de vidéosurveillance, un dispositif qui s'inscrit dans la lutte contre la délinquance sur le territoire communal de Saint-Paul. Ces caméras devraient être prochainement installé dans le centre-ville, à la gare routière, à Boucan-Canotte, aux Roches-Noires, dans le centre-ville de Saint-Gilles-les-Bains et aussi dans le secteur des discothèques. Je vous le disais en titre, c'est son premier déplacement officiel en tant que ministre des Outre-mer. Éric Abarèche est arrivé ce matin à Mayotte. La ministre est venue rappeler la mobilisation de l'État pour les Mahorais et le département, notamment en matière d'éducation et de cohésion sociale, de sécurité et de développement économique. Des domaines dans lesquels les attentes des Mahorais sont très fortes, comme en témoignent ces quelques réactions recueillies par Abdoula Damala de Mayotte Première. Madame Barrett, nous sommes dans l'océan Indien et vous êtes un enfant du pays. Ce que j'attends de vous, c'est beaucoup de choses. Qu'on développe Mayotte, qu'on amène de l'argent, qu'on aille voir les caisses, même dans les fonds de l'Assemblée nationale. Il y a des fonds spéciaux parce que Mayotte a besoin, il a beaucoup de retard. Pour moi, l'urgence, c'est les entreprises. Parce que toute société capitaliste, c'est les entreprises. Il faut baisser les charges des entreprises, il faut distribuer la masse salariale, il faut aussi alléger les charges. À Mayotte, là, nous avons plein de chantiers. On attend beaucoup sur l'éducation, le système éducatif maoré est très malade. J'espère là qu'elle amènera des solutions pour l'éducation en général. En matière sanitaire aussi, il y a plein de projets là à faire, puisque l'hôpital maoré connaît des difficultés au niveau de l'attractivité. Nous attendons de la ministre qu'il nous apporte de l'argent, parce que Mayotte a besoin d'argent pour faire toutes les infrastructures que Mayotte a besoin. Que ce soit l'école, que ce soit les routes, que ce soit l'habitation, que ce soit l'immigration clandestine, que ce soit l'écolation scolaire, Mayotte a besoin de sous. Voilà, il faut qu'on arrête cette discrimination contre Mayotte et contre les Mahorais. Voilà, des attentes effectivement très fortes de la part de la population mahoraise pour cette visite ministérielle. Avant de s'envoler pour Mayotte dans la soirée, Éric Abarèche a présenté hier les grandes lignes du budget de son ministère pour 2017. Un budget qualifié de volontaire d'un peu plus de 2 milliards d'euros. Des fonds que la ministre des Outre-mer veut utiliser pour favoriser les investissements d'avenir, améliorer les conditions de vie dans l'ensemble des territoires d'outre-mer ou encore consolider les dispositifs en faveur de l'emploi et de la formation ou de l'investissement. Un budget qui réserve toutefois quelques surprises. Les explications de Marie-Carline Chardonnay. C'est un budget en hausse de 0,7%, dépassant les 2 milliards d'euros que défendra Éric Abarèche, la ministre des Outre-mer. Une progression par rapport aux 10 dernières années dont se félicite la ministre en poste depuis quelques semaines. Je rappelle quand même sous l'ancien quinquennat de M. Sarkozy, on n'avait jamais atteint les 2 milliards. Jamais. Et déjà quelques bonnes nouvelles, la création d'un fonds vert pour, je cite, aider les territoires ultramarins, première victime du réchauffement climatique, ou encore le maintien des dispositifs des zones franches d'activité. Elle ajoute... Pour le milieu économique, le milliard d'exonération de charges, nous stimulons la commande publique par le fonds exceptionnel d'investissement, c'est l'équivalent fonds vert. Et nous sommes vraiment sur une montée en charge du plan logement autour de 8 à 9 000 logements par an. C'est important. Pourtant, la ministre le précise, les 2 milliards d'euros n'ont rien à voir avec la prochaine loi sur l'égalité réelle en Outre-mer. Je suis très heureuse pour les ultramarins d'avoir un budget qui est volontaire sur l'investissement, sur l'économie, sur le social. Autre grande ligne, la poursuite du soutien à la DOM avec un dispositif appelé Cadre Avenir à Mayotte et 10 millions d'euros destinés à la Cité des Outre-mer, qui mettra en valeur la diversité des cultures et des populations de l'ensemble des Outre-mer. Réunion première, midi 7, la suite du journal, Antoine Garnier. Dans l'actualité, en bref, ce matin, les membres du groupement réunionnais des transporteurs du Sud ont enfin pu démarrer leur chantier d'enlèvement d'Andin sur le terrain Isotier à Saint-Pierre. Ils étaient au chômage technique depuis lundi car l'accès à ce chantier était bloqué par des transporteurs mécontents de ne pas avoir décroché ce marché d'enlèvement de roches, des roches destinées à la construction de la nouvelle route du littoral. Et c'est une réunion de médiation organisée hier qui a permis de régler la situation. Si vous avez des idées de création d'entreprise, sachez qu'il existe un diplôme universitaire pour valider vos aptitudes de créateur d'activité. Une formation dispensée à l'IUT de Saint-Pierre qui s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans sans emploi, avec ou sans diplôme. Une première vague de diplômes vient d'être remise. 25 jeunes de la mission locale l'ont décroché. Après 7 mois de formation, ils sont prêts à reprendre les études ou à se lancer dans la vie active. Carole Mondon est responsable du groupement de créateurs. Le Ducas, c'est pas forcément la création d'activité derrière, tout de suite. C'est peut-être la petite graine de l'entrepreneuriat qui est semée pour un jour arriver à créer son entreprise, ou pour y penser en tout cas, ou en tout cas acquérir de la méthodologie. Ils acquièrent une autonomie importante. Ces jeunes-là, s'ils décident de pas créer, en général, ils sont hyper performants pour trouver du boulot, parce qu'ils ont compris comment fonctionnait une entreprise, ils ont compris les rouages, ils s'adaptent plus facilement. Ces jeunes aussi permettent à d'autres de créer. On a vu dans les anciennes promotions, des jeunes qui accompagnent un membre de la famille ou etc. sur les démarches de création d'entreprise parce qu'ils savent comment faire maintenant. C'est complètement profitable et les taux d'insertion sont très très importants. On est bien plus de 70% les trois promotions précédentes, donc voilà. La responsable du groupement de créateurs Carole Mondon était au micro réunion première de Pierre Comorasamy. Avis à celles et ceux qui sont à la recherche d'une case ou d'une voiture d'occasion, et peut-être même des deux. Alors, il faut prévoir d'aller faire un tour à la halle des manifestations du port d'ici dimanche. Elle accueille ce week-end la 11e édition du Salon de l'Habitat de l'Immobilier et en même temps le Salon de la voiture d'occasion. Deux salons qui ont ouvert leurs portes au public ce matin. Reportage Hubert Debeu. Le 2-en-1, Philippe Tarbourièche, l'organisateur, connaît bien désormais. Le Salon de l'Habitat et de l'Immobilier est depuis 2 ans indissociable du Salon de la voiture d'occasion. Et ça tombe bien, puisque l'un comme l'autre passionne les Réunionnais, ça rentabilise aussi. Ça nous permet d'avoir un visitorat un peu plus important. Et ma foi, on avait des extérieurs qui étaient un peu inoccupés. Pourquoi pas le VO, puisqu'il n'y a pas de salon proprement dit du véhicule d'occasion depuis 10 ans. Durant 4 jours, 70 à 90 exposants vont proposer toutes sortes de mobilier de voitures d'occasion. Une dizaine de milliers de visiteurs sont attendus. Les vendeurs de voitures veulent éclaircir leur stock. C'est important d'être là. Jean-Christophe Debru est le gérant d'un parc d'occasion à la Possession. Oui, c'est important parce que ça permet à la fois donc d'exposer des véhicules, bien sûr les vendre. C'est un marché très fluctuant puisqu'il y a des mois qui vont être excellents, des mois moins bons. Difficile de connaître les chiffres du marché de l'occasion. On sait en revanche que les parcs sont remplis, que les voitures généralement sont saines et récentes. Ce qu'il manque visiblement, ce sont les véhicules pas chers. Il y a du choix. Alors après, il y a une gamme de prix qui est très difficile à trouver, qui sont les véhicules entre 3 et 5, tout en voulant garantir le véhicule, donc parce qu'après on tombe sur des véhicules qui ont beaucoup de kilomètres. Et la gamme aussi, on va dire 6, 8. Le salon ouvrira ses portes ce matin à 10h jusqu'à 19h et ce sera comme ça jusque dimanche. Je vous en parlais dans les titres. 2 ans après avoir lancé les premières croquettes réunionnaises de qualité supérieure pour chiens, la société Caneo se lance dans les croquettes pour chats. La commercialisation a débuté en début de mois. Selon une étude, la population canine et féline serait estimée à 120 000 chiens et 70 000 chats à La Réunion. Le marché des croquettes est donc important. Tout comme la concurrence, 3 produits ont été créés pour les chats. Caneo à la volaille et Caneo saumon sont déjà en magasin. Caneo pour chats stérilisés termine sa phase de test. Les explications de Guillaume De Fromont, le directeur opérationnel de Caneo. On a préféré attendre d'abord de bien se concentrer sur les croquettes pour chiens, de bien réussir ce premier challenge. Et puis, on a aussi préféré se préparer parce qu'on a bien compris que les croquettes pour chiens et les croquettes pour chats ne se fabriquent pas de la même façon. Et les besoins des chats sont différents des besoins des chiens. En fait, c'est déjà les recettes surtout qui vont différer. On a vraiment pris le temps de choisir notamment un bon partenaire. Et on a choisi un labo vétérinaire spécialisé qui fabrique des recettes, notamment pour la nutrition féline. Ils vont par exemple avoir besoin de plus de protéines, des tamisages très importants, des broyages beaucoup plus fins. Ils ont besoin aussi qu'on fasse attention à certains problèmes particuliers des chats, comme par exemple les calculs rénaux. Donc il faut vraiment gérer ça à travers les matières premières. Le directeur opérationnel de Caneo, Guillaume De Fromont, était au micro réunion première d'Hubert Debeu. Il est midi et bientôt 12 minutes. On fait tout de suite un point sur l'actualité nationale et internationale avec France Info. Le gouvernement ne va pas faire de gestes en faveur des retraités. Le secrétaire d'État au budget, Christian Eckert, refuse une valorisation des pensions, ce que demandent pourtant les retraités. Ils sont dans la rue aujourd'hui. Beaucoup se plaignent de fin de mois difficiles. Les retraites sont gelées depuis 3 ans maintenant. Le malaise continue dans les prisons. Les surveillants sont appelés à bloquer les établissements pour dénoncer les agressions et les mutineries qui se multiplient. Tous les habitants de la Martinique sont invités à rester chez eux à l'abri. Alerte rouge désormais à cause de la tempête tropicale. Le vent souffle à 120 km/h. La mer est déchaînée et les pluies sont diluviennes. Une maison sur 4 est privée d'électricité sur l'île et les écoles vont rester fermées à nouveau aujourd'hui. Dans la Drôme, un agent d'assurance est mis en examen pour avoir escroqué des clients. Il détournait leur argent. L'arnaque a duré 4 ans à Pierrelatte et Montélimar. Préjudice de 2 millions d'euros. La date est désormais fixée, l'hommage aux victimes de l'attentat de Nice. Ce sera le 14 octobre, la cérémonie aura lieu à Nice. C'est la première fois qu'un hommage national est délocalisé en dehors de Paris. Et puis François Hollande est en Seine-et-Marne, à Dammartin en Gouëlle, pour l'inauguration d'une imprimerie un peu spéciale, celle dans laquelle s'étaient retranchés les terroristes de Charlie Hebdo en janvier 2015. Le bâtiment avait été dévasté lors de l'assaut des gendarmes d'élite, eh bien l'imprimerie a été rénovée et elle rouvre ses portes. Le 12-13 continue sur Réunion Première avec C'est dans l'actu dans quelques instants. Bonjour Philippe Dornier. Bonjour Antoine, bonjour à tous. La suite, c'est votre débat du 12-13 et aujourd'hui, on parle de la sécurité des étudiants 3 jours après le viol d'une étudiante à Saint-Denis. Et les principaux décideurs sont là dans le studio de Réunion Première. Antoine, le président de l'université et le directeur du CROUS. On accueille aussi 2 étudiants qui vont nous dire si les premières mesures annoncées hier leur donnent satisfaction. Et puis vous qui nous écoutez, eh bien vous avez une demi-heure pour donner votre avis sur le sujet et poser vos questions à nos invités. Lucas, maintenant pour des nouvelles du temps. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et bien après le beau temps de cette matinée, ben sachez que ça se gâte pour cet après-midi. Les nuages sont un petit peu plus nombreux sur le relief et le long des pentes avec quelques averses locales du côté de Petite-France et des débordements locaux sont possibles le long du littoral ouest. Seule la région de Saint-Leu est épargnée parce qu'un temps plutôt ensoleillé domine. Il y a du vent aussi, le secteur est modéré avec des rafales de 50 à 60 km/h du sud sauvage à Saint-Pierre et sur la région de Saint-Denis. Un vent soutenu aussi sur le Maïdo et le Pas-de-Belcombe et on termine avec la mer. Elle est agitée localement fort au vent et avec une houle alisée de 2,50 m environ. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi sur les étals des marchés de notre île, avec vous. C'est la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Ce vendredi, jackpot Euromillion de 130 millions d'euros minimum. Alors imaginez. Comme tous les week-ends, vous jouez de la musique. Sur un piano à queue blanc. Sur un piano à queue blanc. Accompagné de l'orchestre symphonique que j'ai fait venir chez moi. Puis vous composez. Un opéra intitulé Je kiffe grave. Ah oui. Je kiffe grave. Euromillion My Million. Imaginez 130 millions d'euros minimum à Euromillion. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Chez les Martins, on aime passer des moments à la maison bien au frais. Alors on met la clim. La clim bruyante et chère, très chère. Aussi, chez les Martins, on a fini par faire appel à un conseiller et aux aides de l'État pour refaire l'isolation de la maison et installer des brasseurs d'air. Et ça, sans se ruiner. Contactez un conseiller Rénovation Infoservice au 0808 800 700 ou sur rénovationinfoservice.gouv.fr. Service gratuit plus prix de l'appel. Pour être au frais sans se ruiner, mieux vaut se faire conseiller. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. Première. Réunion Première, midi 16, sécurité des étudiants, quelle solution ? Élément de réponse avec Philippe Dornier et ses invités, place à C'est dans l'actu sur Réunion Première. Une carte d'accès réservée aux résidents des CTU, un gardien posté à l'entrée de l'université côté région, la réparation des clôtures et des lampadaires défectueux, voilà quelques mesures concrètes annoncées hier aux étudiants, 3 jours après l'agression dont a été victime une jeune femme de 17 ans prenant sa douche. Des engagements pris par les responsables de l'université et du Crous, ils disposent pour ça d'une enveloppe de 220 000 euros, des promesses faites lors d'un échange qui a eu lieu avec les étudiants sur le campus du Moufia. Une rencontre qui a permis de renouer le dialogue entre les deux parties alors que le climat était assez tendu jusque-là. Les violences sont en effet fréquentes sans que le problème d'insécurité soit réglé pour autant. Comment protéger au mieux les habitués du domaine universitaire? Faut-il filtrer de façon radicale les entrées des différents sites? Quelles sont les principales mesures envisagées? C'est dans l'actu sur Réunion Première. C'est dans l'actu avec Philippe Dornier. Et vous aussi au 02 62 99 2000, n'hésitez pas à nous appeler pour poser vos questions à nos invités ou alors par SMS au 06 92 70 2000. Possibilité également de participer via Facebook, la page C'est dans l'actu, et puis Twitter avec le hashtag CDLA première. Bienvenue à nos 4 invités ce midi. Frédéric Miranville, le président de l'Université de La Réunion, bonjour. Jean-Paul Duprat, directeur général du Crous de La Réunion, bonjour. Bonjour. Le Centre Régional des œuvres universitaires et scolaires pour décoder, qui s'occupe donc de tout ce qui est hébergement et également nourriture pour les étudiants. Et puis Samantha Potin, vice-présidente du Crous et représentante des étudiants au conseil d'administration, bonjour. Bonjour. Et nous avons aussi Michael Mouni-Lachimi, président de la FER, bonjour. Bonjour. La Fédération des étudiants de La Réunion. Alors ce qui s'est passé lundi soir, évidemment, c'est beaucoup plus grave que tout ce qu'on a pu observer comme violence avant ça, mais les étudiants disent rien ne bouge alors qu'on signale régulièrement des problèmes. Frédéric Miranville, pourquoi il a fallu un viol pour que ça bouge? Mes premiers mots iront naturellement à l'endroit de la victime, puisque effectivement on a assisté à une agression qui est terrible, et il est effectivement important pour moi de soutenir donc la victime et d'exprimer donc tout le soutien de la communauté universitaire de façon générale à son endroit et tout l'accompagnement qu'on peut lui procurer, parce qu'il est important qu'elle passe ce cap et qu'elle pense très rapidement à son avenir. Effectivement, donc c'est un événement tragique qui est survenu. Et est-ce qu'il fallait attendre cet événement? Je pense que, comme ça a été dit, il y a eu des événements de ce type-là antérieurement. Le risque zéro n'existe pas. Par contre, il faut tout mettre en œuvre pour effectivement que ça n'arrive plus. Et c'est une des priorités que je me suis fixée en tant que président de l'université depuis le 8 septembre. Mais encore une fois, des faits remontaient, étaient signalés. Et on a le sentiment que... Enfin, c'est le sentiment des étudiants qui s'est exprimé hier, d'ailleurs, lors de cet échange, que les choses n'étaient pas vraiment prises en considération. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je répondrais qu'effectivement, il y a eu des échanges, il y a eu des modifications dans les dispositifs de sécurité. Le directeur général du Crous est ici présent et il sait que les responsabilités dans le cas présent en particulier sont partagées, puisque l'agression a eu lieu dans un local qui était sous la responsabilité du Crous. Bien sûr, il ne s'agit pas de se défausser, et il est extrêmement important, et on l'a fait hier, qu'on fasse front commun, l'université et le Crous, pour apporter des solutions extrêmement concrètes. L'ambiance était tendue sur le campus. Est-ce que vous pensez avoir apaisé les choses en vous engageant sur différents points qu'on détaillera dans un instant, Jean-Paul Duprat? Alors, j'espère en tout cas que les étudiants, la communauté universitaire ont compris que tous les personnels du Crous ont été vraiment éprouvés par ce qui s'est passé. Il y a une défaillance, elle est claire, elle est incontestable. On aurait dû normalement avoir ses portes fermées. Et il n'aurait pas dû y avoir une personne étrangère à l'université qui n'avait rien à faire là et qui est rentrée. On a rencontré ensemble avec le président de l'université la jeune fille et sa famille. J'avais expliqué aux étudiants que nous avons reçu, lorsqu'ils nous l'ont demandé, donc à la fois des représentants élus, puisqu'il y a des représentants élus au conseil d'administration du Crous de La Réunion, mais pour nous, notre priorité, c'était de... On ne pourra jamais rattraper les choses, mais au moins de faire en sorte que cette jeune fille puisse reprendre les études, qu'on puisse l'accompagner. On avait même envisagé de lui donner la possibilité d'aller étudier en métropole. Parce que, et elle a voulu rester sur le site du Moufia. Et donc, on a une obligation. Mais il faut pouvoir le faire en toute sécurité. Voilà. Alors, évidemment, il y a une partie de sécurisation annoncée par l'université. Nous, nous avons travaillé depuis le dernier conseil d'administration qui avait décidé cette fameuse enveloppe de 160 000 euros de sécurisation. Et donc, on travaillait avec les personnels pour voir quels étaient les endroits les plus critiques. On a eu deux rendez-vous avec la police. On avait fait des tours avec la police pour voir quels étaient les endroits à sécuriser. Maintenant, il y a des habitudes qui avaient été prises de convivialité, de penser que le site universitaire, le site du Crous, c'était comme il y a une affectation des étudiants qui ne se fait pas en fonction d'origine géographique. Donc vous avez des étudiants du tampon qui vont se retrouver dans la résidence Fouque, dans la résidence du tampon. Enfin, et du coup, ils vont vouloir se voir ensemble. Et aussi pour ça, les portes restaient ouvertes. On était vigilant quand on était là et on n'a pas été assez vigilant. Maintenant, tout le monde a compris pourquoi il faut que ces portes restent fermées et on est en train effectivement de travailler à une sécurisation. C'est vrai que ça a été votre première argumentation. Beaucoup l'ont jugé maladroite. Est-ce que vous vous dites que ce n'était pas ça qu'il fallait dire en premier peut-être? Je rappelle. Vous avez appelé les étudiants à être plus responsables. Alors, c'est un fait. Est-ce que c'était ça le point essentiel? Alors, pour moi, les étudiants sont des jeunes en devenir, des adultes en devenir. Et donc, ils vont apprendre à être autonomes. Et effectivement, il y a aussi le fait que les familles réunionnaises nous confient leurs enfants. On a la moitié des étudiants de la Réunion qui sont boursiers. Et cette moitié d'étudiants réunionnais qui sont boursiers, ils sont boursiers à l'échelon maximum. Ça veut dire que si le Crous n'est pas là, s'il n'y a pas ces résidences, s'il n'y a pas la restauration organisée par le Crous, leurs parents n'auraient pas les moyens de leur payer les études. Alors vous nous disiez tout à l'heure que vous cherchiez à identifier les sites critiques, les endroits critiques pour les étudiants. Oui. J'ai envie de dire, c'est aux étudiants qu'on peut finalement demander ça, parce qu'ils sont très bien placés pour savoir où est-ce qu'ils se sentent en danger, Samantha Potin. Alors, il faut savoir, comme le directeur du Crous l'a dit tout à l'heure, on a déjà fait en fait plusieurs réunions en concertation avec l'université et le Crous, également la police, que on a fait des différentes réunions pour justement identifier ces points où les étudiants pouvaient rentrer beaucoup plus facilement. Donc, on a identifié pas mal de points. La première, bien sûr, ça reste la fameuse passerelle qui traverse le boulevard sud, qui est très facile d'accès, mais ça notamment ça passe par le fait de manque de luminosité. Donc c'est pour ça aussi que avoir un vrai travail là-dessus, ça peut peut-être déjà rassurer les personnes, non seulement travailler les étudiants, sur la lumière, l'éclairage public, la lumière, mais également peut-être mettre également donc plus de barrages pour que les personnes ne puissent pas passer au-dessus des passerelles. Mais il y a également toute l'enceinte de l'université qu'il faudrait donc resécuriser, notamment autour des entrées à l'arrière du parc ou l'ancienne passerelle qui est assez visible et assez facile d'accès. On va aller au 02 62 99 2000. On a un premier appel, c'est Maxime qui nous appelle de Saint-Gilles. Bonjour Maxime. Oui, bonjour monsieur. On vous écoute? Oui, alors je me présente, je suis étudiant en L2 histoire et j'ai entendu dire que vous aviez des élus étudiants qui s'exprimaient sur le sujet aujourd'hui. Sur votre comme vous pouvez le vérifier en nous écoutant. Oui, j'aurais aimé leur poser la question suivante. Quel bilan peuvent-ils tirer de leur syndicat étudiant suite à cette insécurité et que proposent-ils exactement au niveau des réformes? Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait eu un mouvement qui avait été... monté par un étudiant en infocom, si je ne me trompe. Et cet étudiant-là a pu s'exprimer hier devant le président. Et il y a pas mal d'étudiants qui sont choqués dès lors de ne pas voir sa présence sur le plateau aujourd'hui chez vous. Alors écoutez, on ne peut pas avoir tout le monde autour d'un plateau, évidemment. Je vous remercie pour cette question, Maxime. Je pense que ce qui intéresse les gens, c'est le fond du problème et pas forcément de savoir qui est là, qui n'est pas là. Mais je suis pas du tout gêné pour répondre à cette question, puisqu'on a eu un représentant de l'UNEF hier matin dans la matinale pour dire les choses, un représentant d'un syndicat qui est en formation qui s'appelle La Réforme et qu'on essaye justement de donner la parole à un maximum de représentants étudiants. Vous en faites partie? Michael Mouni-Lachimi, vous avez eu la parole hier comme d'autres. Est-ce que ça a été une séquence importante pour passer à autre chose, sortir de cette situation tendue dont on parlait tout à l'heure? Je suis pas sûr que ça suffira. Déjà, avant de commencer, je voudrais juste passer un message à la jeune fille. Je suis président de l'affaire, c'est vrai, c'est bien beau, mais à la base, je suis pas là aujourd'hui pour ça. Cette manifestation qui a été organisée lundi pour toi, on n'a pas voulu politiser la chose, on n'a pas voulu s'en mêler, on pensait qu'un peu de respect, c'était pas mal, un peu de discrétion. Enfin, après, on n'a pas vécu ce que t'as vécu, on sait pas non plus qu'est-ce qu'il fallait faire. On a été pris un peu de course, ça s'est organisé tout seul très vite, tout le monde était un peu dépassé. Quand on a entendu ce qu'ils proposaient, on s'est dit que c'était pas normal. Et du coup, on a vu que les médias étaient là, on s'est dit, on va alerter tout le monde, parce que ça fait des années que ça dure, ça fait plus de 10 ans qu'il y a les mêmes problèmes qui se passent. Malheureusement, des viols, c'est malheureusement pas la première fois. C'est peut-être la première fois que c'est aussi médiatisé, que tout le monde l'entend. Le problème est complexe, c'est une goutte d'eau qui fait déborder le vase, t'es une victime parmi d'autres. Je voudrais m'excuser de t'avoir mêlé à tout ça, d'avoir peut-être... empêcher un peu que tu te guérisses le mieux possible. Je te promets qu'on fera tout ce qu'il faudra pour que ce qui t'est arrivé, ça soit la dernière fois qu'on entend parler. Alors en tout cas, on sent beaucoup d'émotion chez vous. C'est vrai que nous, au niveau des médias, en tout cas, à notre niveau, Réunion Première, on fait tout, évidemment, pour préserver cette jeune fille et ne pas donner les précisions qui permettraient de l'identifier, enfin, pour dire les choses clairement. Ça, c'est aussi le souci de l'université, évidemment. Ça sert de point de départ à cette discussion, mais la protection de cette jeune fille, c'est évidemment essentiel pour vous, Frédéric Néronville. Bien sûr, c'est tout à fait essentiel. Et vous comprenez l'émotion de Michael. Je comprends totalement l'émotion de Michael et je la partage. Évidemment, et on la partage de façon générale. Effectivement, on l'a reçue, cette jeune fille, et je pense qu'il faut en tirer le positif, c'est qu'effectivement, elle a le désir de continuer ses études, et c'est le plus important. On est là pour la réussite, et on est là véritablement pour accompagner et faire en sorte que ce type d'événement ne survienne plus, bien que le risque zéro n'existe pas. Il a été essentiel pour nous d'organiser ce temps d'échange, c'était une première étape, et d'annoncer des mesures extrêmement concrètes. Donc 3 mesures que j'ai annoncées de façon très rapide pour apporter donc des solutions à la préoccupation et au ressenti en particulier qui est très légitime des étudiants par rapport à cela. Et au-delà de ça, à moyen terme, il y aura un audit de sécurité qui sera mis en place sur l'établissement et qui nous permettra d'agir en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés pour que on ait une sécurité renforcée effectivement sur les campus. Alors la sécurité qui n'est pas forcément assurée, on le sait aujourd'hui, beaucoup se plaignent et on dit pendant les manifestations qu'on peut entrer et venir comme on veut. Ça va même beaucoup plus loin. On va écouter ce témoignage comme on veut. Ça va même beaucoup plus loin. On va écouter ce témoignage. J'ai la responsabilité sur les membres du Crous, enfin l'administration, mais c'est relativement grâce, enfin par eux. Parce qu'en fait, par exemple, le soir, la journée, je peux comprendre que le portail est ouvert, tout le monde puisse entrer. Mais le soir, des fois jusqu'à 22h, le portail est ouvert, tout le monde peut venir en fait. Voilà, je pense que ça relève de leur responsabilité et qu'ils devraient peut-être prendre des initiatives ou être beaucoup plus rigoureux pour ce genre de trucs. C'est vraiment la porte à tout vent, hein. Tout le monde peut entrer. C'est inadmissible selon moi. Et notre sécurité, effectivement, je ne sais pas trop comment la définir, quoi. Parce que dans cet établissement, c'est comme ça. Il n'y a pas un système de badge ? Non, il n'y a aucun système de badge. On a juste une clé qui est censée ouvrir la porte, mais la porte souvent ne se ferme pas ou reste ouverte. Par exemple, cette porte-là, elle vient d'être réparée, ça fait même pas une semaine. Des fois, c'est tout le monde qui peut entrer, en fait, finalement. Même la journée encore plus. Je pense que même la journée, il devrait être ferme, finalement. Ou avoir, dans ce sens, un vigile qui est là, qui surveille ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et d'ailleurs, dans cette cité, par exemple, là, je connais 3 personnes qui se prostituent et les gens peuvent venir comme ils veulent, quoi. Alors, ça va très loin, ce que dit cet étudiant. Il parle de badge, de vigile, mais il parle aussi de prostitution dans une résidence universitaire. Est-ce que vous avez eu écho de ce genre de pratique, Jean-Paul Duprat ? La vie universitaire, les résidences universitaires n'échappent pas à ce qui se passe dans la société globalement. Oui, il est arrivé qu'on constate qu'une jeune fille qui était dans une situation de déshérence, qui n'était pas boursière, dont les parents avaient de très grosses difficultés financières, n'a trouvé d'autre solution que la solution de la prostitution, parce qu'elle croyait qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'aide. On a eu ce cas avec, effectivement, un accompagnement. On ne l'a pas fait passer en disciplinaire, puisqu'il existe des commissions disciplinaires quand les résidents ne respectent pas. Elle est allée au service social et on lui a expliqué qu'il y avait d'autres solutions. Et je le dis, il y a une précarité. Les aides que peut apporter le CROUS ne sont pas réservées aux étudiants boursiers. Quand une vice-présidente étudiante enseignante constate qu'un jeune étudiant, il arrive avec un sac dans lequel il a une brosse à dents et il a ses affaires, elle nous contacte, elle sait qu'il existe un service social, que c'est un service dans lequel il y a un anonymat de l'étudiant et du coup qu'il peut y avoir une aide. Mais je vais vous dire, on constate aussi quoi ? En toute franchise, vous avez des étudiants qui vont en stage en métropole, mais ils conservent leur logement. Ils n'ont pas les moyens, sur leur logement, de payer de logement. Ils sous-louent. Et ils se rendent absolument pas compte. Et évidemment, on a eu le pire. Il y en a un qui était plus bête que les autres. Il a sous-loué à une mère de famille avec ses deux enfants. Et évidemment, les personnels du CROUS ont constaté qu'il y avait une mère avec deux enfants. Donc, ils lui ont demandé comment elle avait eu les clés. On lui a expliqué qu'elle ne pouvait pas rester, que la sous-location était illégale, elle est clairement interdite dans le règlement intérieur des résidences. Et en plus, le jeune étudiant qui avait fait ça, au lieu de demander une aide, eh ben ce qu'il a récolté, c'est une exclusion définitive de toutes les résidences universitaires, qu'elles soient à La Réunion ou en métropole. Mais évidemment, on ne parle pas. Alors on essaye de trouver des solutions comme ça. Et c'est là où, si vous voulez, quand on analyse sur cette affaire, puisque pour moi, il faut qu'on regarde ce qui s'est passé dans le cas précis, qu'on remonte toute la chaîne pour effectivement voir comment on agit. On ne va pas rester démunis. On a eu cette réunion qui a été faite comme ça, sous le choc de l'émotion. C'était une bonne réunion. C'était une réunion qui était constructive. Elle était constructive parce que les personnels étaient en état de choc, les personnels du CROUS, les étudiants étaient en état de choc, et on a réussi à se parler. Elle était constructive aussi parce que vous aviez des choses à annoncer, non, clairement. Je vous parle de la première réunion, celle qui a été faite sous le coup de l'émotion du mardi matin, et dans lequel on a reçu les étudiants. En 5 minutes, ils sont arrivés avec une vingtaine de représentants, mais il y avait tous les gens qui attendaient, tous les autres résidents qui attendaient dehors et qui ont pu aussi s'exprimer, et dans lequel on a dit, bon ben voilà, nous on est parti sur un principe, on a 160 000 euros, on va demander au personnel où c'est la sécurité, on aurait dû faire autrement, on aurait dû dire, ben, aux étudiants, vous qui êtes là depuis une rentrée en mai-juin, on aurait dû leur dire, ben, dites-nous quels sont les endroits, et comme ça, nous, on va faire les travaux en juillet-août. Et peut-être qu'effectivement, si on avait fait des travaux, eh ben, on aurait une résidence qui est plus sécurisée, si on avait compris qu'il fallait qu'on insiste en disant aux étudiants, il y a ce règlement intérieur, on est tous responsables, et on n'est pas uniquement, vous êtes des adultes maintenant, on n'en serait peut-être pas là. Aujourd'hui, eh bien, on a convenu avec les étudiants résidents de se voir, et pendant une semaine, ils vont phosphorer, ils vont eux aussi avoir des idées. Donc, on est sur un fonctionnement à l'envers de la tradition du CROUS. Mais je le répète et je le dis à la dame qui vous a appelé, nous sommes un établissement public avec des élus étudiants que nous écoutons et avec lesquels nous dialoguons. Notre dialogue, il n'est pas fermé à tous les étudiants. Il est simplement organisé avec un système d'étudiants élus et représentants. La sécurité des étudiants, quelle solution ? C'est dans l'actu ce midi sur Réunion Première. C'est dans l'actu, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Le canal SMS où je vous lis ce texto plutôt, qui fait référence à un mail envoyé aux étudiants et dans lequel le président nous parle, nous dit cet auditeur, de renforcer la sécurité au campus du Moufia. Pour ma part, dit cet auditeur ou cette auditrice, je n'ai vu que 4 personnels de sécurité depuis la rentrée. Est-ce normal ? Il ne faudrait pas renforcer mais créer de la sécurité. Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas assez de sécurité sur le campus ? Samantha Potin, je rappelle que vous êtes représentante des étudiants au CROUS. Je pense que voilà, il y a encore des mesures à prendre, des efforts à faire, mais enfin voilà, la sécurité, bien sûr, c'est une volonté qu'il faut mettre en place. Il faut notamment par exemple mettre une loge dans chaque cité. On en a deux. C'est pas le cas. C'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on en a que deux. Deux loges. Pour combien de cités ? Pour 6 cités universitaires. Ces deux cités-là, elles sont plus sécurisées, on va dire. Les portes, notamment, elles restent fermées, puisque quand les gardiens sont là, ils demandent aux étudiants de refermer la porte derrière eux. Donc, beaucoup moins facile d'accès aux étudiants aux personnes qui ne sont pas étudiantes et surtout qui ne sont pas résidentes. Donc, ça, c'est une première mesure à mettre en place, par exemple. Il y a également d'autres mesures qui pourraient être mises en place. Je sais pas, par exemple, donc je vais parler de l'éclairage tout à l'heure, mais il y a également donc tout ce qui est le système des portes. Peut-être revoir le système des portes au niveau des cités universitaires pour pas que voilà juste n'importe qui puisse rentrer, que les portes se referment soit automatiquement ou qu'il y ait un vrai système qui soit mis en place pour que juste les résidents puissent arriver à entrer en cité universitaire. De votre côté, Michael Mounilachimi, c'est quoi les mesures phares que vous attendez, concrètement ? Concrètement, nous, on pense que le problème est beaucoup plus compliqué à résoudre. Le directeur du Crous, il fait ce qu'il peut. Malheureusement, il faut que les informations lui remontent. Déjà, il y a un problème de base qui est que les informations ne remontent pas. Ça fait plus de 10 ans que les mêmes informations remontent. Il y a des élus qui sont prévus pour faire remonter l'information. Si le directeur du Crous ne les a pas, c'est normal qu'il ne peut pas prendre les mesures adaptées. Là où ça devient un peu spécial, c'est la Réunion précisément. On a un principe national qui veut que les gens puissent entrer et venir comme ils veulent dans l'université. On a un principe du Crous, là par contre c'est fermé. À La Réunion, les deux sont sur le même lieu géographique. Donc l'entrée possible dans l'université fait que les étudiants peuvent, n'importe qui peut rentrer au Crous. La cerise sur le gâteau, c'est que notre université, disons-le clairement, elle est située au Moufia et au Chaudron. Donc à partir de là, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que vous mettez en cause là? On a eu le temps de mener une petite étude quand même pour voir un peu, prendre la température vraiment. Selon les étudiants, il n'y a pas forcément de méfiance sur un lieu en particulier. Il y a juste une zone globale sujette à tout type de risque lié à, je cite, des éléments perturbateurs qui, selon eux, proviennent de l'extérieur. Ce sentiment d'insécurité, il est des deux côtés. D'un côté, on a les étudiants qui sont un peu laxistes aussi, qui font pas trop attention. Mais c'est des jeunes qui arrivent là, ils ont 18 ans, ils connaissent pas que le monde c'est dangereux. Ils sortent du lycée, au lycée ils sont cadrés de A à Z, et là on arrive, on les lâche comme ça. Ils font des campagnes de prévention à l'intérieur de l'université pour déjà d'en créer plus de sécurité, mais qu'il faut des espaces de vie, que les gens puissent se rassembler, qu'il faut y aller ensemble. Pour l'instant, mesdames, s'il vous plaît, prenez les douches à plusieurs. En tant que ce soit fait. Et puis, il faut une autre campagne à l'extérieur pour que les éléments perturbateurs qui viennent arrêtent de se dire on va aller sur le campus, on va aller à la cafette, on va aller au conseil général là-haut, et de toute façon, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. La région, les forces de police, tout le monde doit intervenir. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Frédéric Mironville ? Je réponds qu'effectivement, il y a un dispositif de sécurité qui existe. Alors, est-ce qu'il est suffisant, insuffisant ? Je pense qu'on pourra en parler. Ceci dit, voilà, de démultiplier à l'infini donc les effectifs de sécurité, ça n'est pas forcément la seule solution qu'on peut mettre en place, et ça ne limitera pas forcément totalement tous les risques. Je pense qu'il faut avoir des solutions qui sont combinées. Et aujourd'hui, ayant pris de mes fonctions de façon assez récente, donc ce sont 6 agents que l'on a en interne à l'université sur le dispositif de sécurité, donc 3 le matin, 3 le soir, et on fait appel à une entreprise privée la nuit, en fait, hein, donc de 21h à 6h. Donc la mesure que l'on propose, nous, de façon immédiate, dans les prochaines semaines, ça sera mis en place, c'est de doubler ses effectifs pour faire en sorte qu'effectivement, on ait plus de monde sur les campus sur la question de la sécurité. Mais le campus universitaire et les campus de façon générale sont des campus qui sont ouverts. Ouais, c'est ce que ils ont été conçus comme ça. Moi, mon souhait, c'est effectivement que ça reste des campus ouverts, qu'ils soient ouverts sur leur environnement. Par contre, il est impératif qu'on ait des campus sur lesquels les conditions soient réunies pour que les études se passent de la meilleure manière qui soit. Donc par exemple, un filtrage à l'entrée de chaque côté, côté région, et puis de l'autre côté, côté rectorat, c'est pas du tout à l'ordre du jour de dire n'entre sur le campus que les personnes qui ont quelque chose à y faire finalement. Tout à fait, mais le campus encore une fois est ouvert au grand public. Il y a effectivement les activités de formation, de recherche, mais aussi on a des activités transversales qui font appel au grand public. Mais les personnes qui viennent, elles y viennent pour une raison bien particulière. Elles peuvent avoir un document qui atteste qu'elles ont quelque chose à y faire. Non, ça peut pas se faire. Bien sûr, mais on est sur un campus, en particulier le campus du Moufia, où il y a énormément de flux de passage, et donc aller vérifier donc les destinations et les raisons des destinations des uns et des autres, c'est assez compliqué. Ceci dit, c'est clairement donc une des pistes que l'on envisage un contrôle d'accès. Alors, dans quelle mesure et avec quel degré de finesse il faudra l'envisager. Mais avec quoi, avec un badge, avec une carte ou un badge ou un dispositif en tout cas à trouver. Et c'est vraiment l'audit de sécurité qui nous amènera à ces mesures. En tout cas, pour l'instant, il y a des éléments qui ont été mis en place. Avec l'effectif existant, il y avait eu un certain nombre de réunions antérieures à mon arrivée. Et où, en particulier, il y avait eu des dispositions qui avaient été prises en termes de rondes, en termes de mobilisation des équipes sur des points effectivement sensibles, sur des points de faiblesse de l'enceinte universitaire, des rondes avec des chiens, des rondes avec des véhicules. Et malheureusement, on est tombé effectivement là, pour le coup, sur une situation qui n'était pas prévisible, qui est malheureuse, et pour laquelle il faut absolument qu'on trouve une solution. Donc l'événement qu'on a fait hier, et ce qui avait été fait antérieurement par le directeur général du CROUS et par les étudiants en particulier, donc on souhaite véritablement que ces événements amènent à ce que cette consultation donc des étudiants, des usagers de façon générale, crée des conditions concrètes de mesures que nous mettrons en place pour l'audit sera lancé quand arranger la situation. L'audit sera lancé très rapidement puisque pas plus tard que ce matin nous avons signé conjointement donc un courrier qui va partir donc à destination du préfet et donc c'est en charge c'est le préfet qui est en charge effectivement de lancer cet audit. Donc ça, il est déjà déclenché à l'automne. Vu les délais de l'administration, ce sera pas forcément rapide. Nous serons extrêmement attentifs. Il est vrai que moi je découvre ce dossier et pendant la campagne électorale à l'université, c'était un dossier qui était extrêmement important. Juste après mon élection, on avait déjà fait des réunions sur la thématique de la sécurité. Il était question qu'on voit le directeur général du CROUS pour en parler. Et il est question qu'on soit très pragmatique. Il n'est pas question qu'on laisse les choses aller. On a des financements, on les a indiqués. Il y a 220 000 euros qui sont sur la table et on souhaite les concrétiser très rapidement. 06 92 70 2001. Un autre SMS, question au directeur du CROUS, Jean-Paul Duprat. Pourquoi prendre des mesures pour les Jeux des Îles sans parler d'effectifs de personnes étant au CROUS et attendre ces faits pour prendre des mesures supplémentaires. Puisque, alors on rappelle, je pense que ce texto fait évidemment allusion aux athlètes qui logeaient au village, en cité universitaire. C'est vrai. C'est d'ailleurs une expérience très riche et ça s'est passé effectivement à côté du quartier du Chaudron. Il n'y a eu aucun souci. Aucun souci de sécurité. Il y a eu un accueil global. Vous contestez le fait que le quartier du Chaudron pourrait générer la violence dont on parle régulièrement. Il n'est pas contestable. Ça ne vient pas que de là. Non, il n'est pas. Ça ne vient pas de là, tout court. Alors, il n'est pas contestable dans l'histoire qu'il y a eu des émeutes au Chaudron. Il suffit de se rappeler. Voilà. Maintenant, il y a un travail qui est fait, un travail en partenariat, parce que on parle donc de la police, mais on avait rencontré aussi la mairie de Saint-Denis. La mairie de Saint-Denis, quand on leur signale, notamment, ils ont la responsabilité du nettoyage, mais le nettoyage est fait. Et on parle de l'éclairage sur la passerelle, mais regardez sur le boulevard sud, vous n'avez pas de broussailles. À une époque, il y avait de la broussaille, vous pouviez avoir des individus qui se cachaient dedans et qui pouvaient effectivement intervenir. On multiplie les acteurs et on est sur des acteurs tous de bonne volonté. Alors, vous demandez quand aura lieu l'audit, parce que c'est ce qui vous intéresse. Mais l'audit, il a déjà commencé, on a déjà reçu des policiers. On a déjà fait le tour, nous, au niveau du CROUS, avec des policiers. Après, c'est un audit beaucoup plus global. Ils nous auraient dit, par exemple, vous devez avoir quelque chose qui paraît fou, mais vous devez avoir une vidéosurveillance, université CROUS de la Réunion, commune. Et effectivement, c'est très simple. Ben oui, mais sauf qu'il y a des marchés publics et on est deux établissements publics distincts. Parce que c'est vrai que les gens se la posent. Encore un auditeur, un texto. Pourquoi a-t-il fallu un acte aussi odieux que celui de lundi pour que la DSVE, c'est la direction de la vie étudiante, c'est ça, et le CROUS agissent de concert après tout ce qui a déjà pu se passer, voilà. Excusez-moi, mais c'est tout simplement qu'on n'en parlait pas. On en parlait aux représentants étudiants, au conseil d'administration. Il y a plein de commissions qui se réunissent dans lesquelles vous avez des représentants du personnel, des représentants des étudiants, et sur lequel on intervient à chaque fois. Mais quand on les étudiants, je parle sous contrôle des étudiants qui sont là, est-ce qu'il y a des actes concrets? Vous avez eu une évolution ces derniers temps, Samantha Potin? Mais il y a déjà eu des évolutions, notamment donc, au fait qu'il y ait déjà plus de d'agents de gardiens qui sont là, qu'ils fassent déjà plus de rondes que ce qu'ils ne faisaient avant. Après, bien sûr, c'est pas parce que cet acte, en fait, elle relance tout simplement le fait qu'on se penche plus sur le problème. Mais c'est pas parce que, même s'il n'y avait pas eu cet acte, je pense que c'était un chantier commun que l'université et le Crous souhaitaient mettre en place pour que les étudiants soient en sécurité. Là, voilà, c'est vraiment le contexte qui fait que, voilà, les choses ont été accélérées, que les personnes et les institutions soient plus, piquées à vif à travers ce problème. Mais ce chantier, ça fait bien quelques mois qu'on en parle, ça fait quelques réunions qu'on fait pour justement mobiliser et que les personnes ne soient pas laissées à eux-mêmes. Quelle solution, pour revenir sur ma question de départ, puisque vous êtes parti sur la mixité sociale, vous n'êtes pas forcément d'accord là-dessus, j'ai l'impression, Michael Mouninachimi, mais c'est quoi les mesures que vous attendez là concrètement ? Dans l'immédiat, nous on aimerait déjà un investissement majeur sur l'éclairage. Ça fait des années que c'est un vieux serpent de mer. Je vais pas jeter la pierre, mais il y a quand même des ampoules, ça fait plus de 10 ans qu'elles sont signalées en panne, elles fonctionnent toujours pas. Mais après, c'est vrai qu'il y a des endroits à l'université où il y a des arbres, personne n'y va. C'est vrai que c'est pas cela dont on demande. On veut un éclairage adapté, on veut un chemin lumineux entre les BU, les cités, les facultés. Le principe de badge électronique serait peut-être à réfléchir aussi, avec l'installation de vrais portillons à badge partout. Je sais que c'est compliqué, c'est vrai, mais Madame Belkacem a quand même annoncé, il y a moins d'un mois de ça, 30 millions. Pour la sécurité des campus. Donc, je me doute que c'est pour le terrorisme, etc., et que nous, on n'a pas le même terrorisme. C'est un terroriste la cour, entre guillemets. Mais il faut quand même faire ces investissements-là, je pense. Et ensuite, il nous faut une grosse campagne de prévention pour qu'il y ait quand même plus de civilité de chacun et qu'il y ait quand même un respect des consignes de sécurité. Parce que c'est vrai que malheureusement, les étudiants, on arrive, on leur donne le kit, mais si malheureusement, les élus étudiants qui sont en place, qui font le lien entre l'administration et les étudiants qui sont en place depuis plus de 10 ans ne font pas leur travail, le problème ne vient pas, entre guillemets, de vous. Une dernière question, peut-être, parce qu'on arrive vraiment au terme de cette émission. Concrètement, sur ce qui s'est passé, ça s'est passé dans une douche, des douches qui visiblement sont ouvertes. Est-ce qu'au moins ces endroits-là, les endroits les plus sensibles, peuvent être davantage sécurisés ? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un système d'alarme ? Enfin, des choses de ce genre ont été évoquées. Alors, oui, on est en train de non pas de réfléchir, mais de chercher s'il existe une entreprise à La Réunion, qui est capable de nous mettre rapidement en œuvre le système du badgeage en utilisant la carte déjà existante. Après, sur spécifiquement les sanitaires et les douches communes, c'est vrai qu'on est à la recherche de toute solution qui permettrait effectivement de bloquer ou d'avoir plus d'espace. On a essentiellement 3 résidences sur les 5, sur le site du Moufia, qui sont avec des sanitaires communs. Bon, sur certaines, elles sont complètement fermées. D'abord parce que vous avez une loge d'accueil centrale, donc elles sont fermées. Mais ceci étant dit, on découvre que les sorties de secours, et ces sorties de secours, elles ne peuvent pas être condamnées. Parce que s'il existe un incendie, ben il faut que les étudiants puissent sortir. Donc, il faut qu'on trouve un moyen. Et donc, on est en train de regarder et d'acheter des systèmes de contacteurs qui font que quand on ouvre ces portes, ça fait un tel bruit qu'on les referme. Mais d'un autre côté, on a beaucoup hésité avant d'en arriver là, parce que ça veut dire qu'on va trouver un étudiant ou une personne qui était accueillie par un étudiant qui va sortir par là, il va réveiller tout le monde. Oui, c'est ça le problème. Et c'est ça notre question. Et donc, il va falloir... Est-ce qu'il faut du désagrément pour trouver une solution? Et on espère... Alors, moi, j'espère beaucoup... vraiment beaucoup de la rencontre qu'on aura avec les étudiants la semaine prochaine, avec leurs propositions. La solution, c'est pas un vigile à chaque résidence, vraiment. Mais en fait, on a des vigiles, mais l'exemple que je vous donne, c'est effectivement, il y a des vigiles et enfin des agents d'accueil. Il y en a pas partout, si j'ai bien compris. Non, et ils circulent. Ils circulent. Voilà, avant, donc est-ce qu'il faut pas un vigile dédié à chaque résidence? Oui, non, mais c'est à chaque porte. Parce que si vous en mettez un dans la résidence, mais que vous avez ces possibilités, et vous l'avez rappelé, effectivement, jeune homme, on utilise des raccourcis. En fait, concrètement, c'est plus simple de rentrer par la sortie de secours plutôt que de faire tout le tour par le bâtiment. Et donc, nous constatons qu'effectivement, on a des sorties de secours qui sont cassées. Alors, à un moment d'exaspération, on dit, on va les bloquer avec une chaîne. Mais non, parce que s'il y a le feu, oui, c'est pas on va avoir combien d'étudiants morts? Donc non. Et donc il faut qu'on arrive à un compromis. Et c'est vrai que vous avez une bonne idée du fait qu'on devrait discuter. On fait un pot d'accueil des résidents. On leur dit un numéro, mais un numéro non pas d'urgence, parce que ça existe. Voilà, c'est un numéro de signalement. Dès que vous avez quelque chose. Ensuite, je voudrais dire, nous accueillons la police de manière clandestine, mais il faut le savoir. Les étudiants doivent aussi le savoir. Nous avons laissé aux forces de police la possibilité de venir jour et nuit sur le site. Ils sont soit en tenue, soit pas en tenue, mais ils peuvent venir. Et d'ailleurs, dans certains cas, ils viennent. Vous avez des jeunes qui le découvrent 2 ans après, quand vous avez des policiers qui se présentent et qu'ils sont arrêtés. Je le dis, on a passé une convention et nous restaurons aussi les personnels de police. Donc ça veut dire qu'en plus, ils peuvent arriver en civil et ils peuvent manger dans les cafétérias. Donc vous étonnez pas s'ils sont pas des étudiants, s'ils sont sous camouflage, mais on accueille aussi des policiers. Il avait été question de trafic de drogue, de trafic de zamal. On a entendu parler, nous dit-on, de trafic d'armes. Qu'en est-il ? Alors, sur le trafic d'armes, je ne sais pas. J'espère que non. En tout cas, nous, les personnels du Crous ne sont pas armés. Sur le trafic de drogue, il faut pas se fermer les yeux. Là où vous avez des acheteurs, vous avez des vendeurs. Maintenant, là où vous avez des vendeurs, vous avez quelque part la police qui est cachée, que nous hébergeons, évidemment, confidentiellement. Et on va pas vous dire où ils sont, mais à l'endroit où ils sont, ils voient parfaitement tout. Ils prennent des photos, ils prennent des vidéos. Et évidemment, je vais vous dire, on n'est pas dans un film où, en 1h30, vous avez entièrement démantelé le réseau. Ça dure beaucoup plus longtemps et c'est pas les petits poissons qu'il faut attraper. C'est ceux qui organisent le tout. Mais là-dessus, nous travaillons, Dieu merci, en bonne intelligence avec les services de police pour justement limiter et faire en sorte de démanteler ces réseaux. On arrive vraiment au terme de l'émission. On est obligé de laisser la place à Lucas pour la suite. Merci en tout cas à tous les quatre d'être venus au micro de Réunion Première parler de la sécurité dans le domaine universitaire et puis sur le Crous également. Frédéric Miranville, président de l'Université de La Réunion. Jean-Paul Duprat, directeur général du Crous de La Réunion. Samantha Potin et Michael Mouni-Lachimi, étudiants tous les deux. Merci encore à tous les quatre. Demain, entre midi un quart et 12h45, dans les coulisses de l'armée, un magazine en immersion signé Stéphane Enilorac. Parachutistes, marins, légionnaires, les militaires sont 2000 à assurer notre sécurité et à intervenir parfois aussi dans la zone. Vous découvrirez leur mission et aussi la passion qui les anime. C'est dans l'actu, revient lundi avec un zoom sur la maison écolo à l'occasion de la journée mondiale de l'habitat. À pied, à vélo, sur l'eau, participez au week-end nature du 1er au 30 octobre. Découvrez des trésors de biodiversité dans nos espaces naturels sensibles. Plongez dans les forêts primaires, explorez des sites exceptionnels et des paysages à vous couper le souffle. Visites guidées et ateliers gratuits tous les week-ends du mois d'octobre et pendant les vacances scolaires. Retrouvez le programme sur www.cg974.fr et réservez dès maintenant au 0262 97 59 59. Avec le département, préservons notre environnement. Ce vendredi, jackpot Euromillions de 130 millions d'euros minimum. Alors, imaginez. FDJ, à partager au rang 1, voire règlement. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Des cases à lire partout sur l'île pour lutter contre l'illettrisme. L'objectif, se réconcilier avec la lecture, l'écriture ou encore le calcul grâce à des activités de loisirs pratiquées gratuitement dans un endroit familier. Pour connaître la case à lire la plus proche de chez vous ou pour plus de renseignements, appelez le 0800 111 035 ou rendez-vous sur le www.régionreunion.com. Chez les Martins, on aime passer des moments à la maison bien au frais. Alors on met la clim. La clim bruyante et chère. Très cher. Aussi, chez les Martins, on a fini par faire appel à un conseiller et aux aides de l'État pour refaire l'isolation de la maison et installer des brasseurs d'air. Et ça, sans se ruiner. Contactez un conseiller Rénovation Infoservice au 0808 800 700 ou sur rénovationinfoservice.gouv.fr. Service gratuit plus prix de l'appel. Pour être au frais sans se ruiner, mieux vaut se faire conseiller. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. Première. Oui, bon, oui, Philippe. Oui. Non, bah décidément, voilà. On ne veut pas me donner le micro, c'est pas grave. Lucas, pour la suite cet après-midi sur Réunion Première. Merci beaucoup Philippe et à ses invités. Aujourd'hui dans la chronique écho, alors que Kevin Dour, considéré comme le parrain de la cocaïne, comparé actuellement au tribunal correctionnel de Fort-de-France, coup de projecteur sur le marché de la poudre blanche outre-mer. C'est la chronique écho présentée par Tessa Groman. La chronique écho, Tessa Groman. Tout a commencé dans les années 2000. À l'époque, les cartels sud-américains vendaient leur production de cocaïne aux États-Unis. Et puis, ils se sont intéressés à un nouveau marché. Vincent Lebeguec, patron de l'Office central de la répression du trafic illicite de stupéfiants. Les cartels colombiens notamment ont considéré que le marché nord-américain d'une part était saturé et d'autre part il y avait des pressions des forces de police importantes, ce qui les a conduits, hein, je vous rappelle qu'on est toujours dans la notion de marché, hein, donc ce qu'ont conduit les trafiquants sud-américains à diversifier leur marché et venir investir en Europe. Les producteurs de cocaïne se lancent alors dans le commerce transatlantique. Pour la France, ils établissent leur base arrière aux Antilles et en Guyane. Pourquoi ? La réponse de Vincent Lebeguec de l'Octrice. Déjà, les infrastructures aéroportuaires qui sont importantes, hein, entre la France et la métropole, ça c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est également les ports dans les Antilles qui sont des lignes classiques d'acheminement des marchandises licites vers l'Europe. La cocaïne envoyée par avion ou bateau est conditionnée sous sa forme la plus pure pour réduire les frais de transport. Elle sera transformée à l'arrivée. Vincent Lebeguec. La cocaïne est coupée en France et non pas aux Antilles pour des simples questions de coût, puisque les intermédiaires facturent le transport en fonction de la quantité qui est importée. Entre 900 et 1200 tonnes de cocaïne sont produites chaque année. On estime à 320 tonnes le volume envoyé en Europe. De nombreux intermédiaires se sucrent au passage, notamment aux Antilles et dans l'Hexagone. Mais il est difficile de savoir combien ils sont. Non, il n'y a pas d'estimation. Forcément, le chiffre noir est très important. On peut donner le nombre de personnes qui sont interpellées par an pour trafic de stupéfiants en France. Ça tourne aux environs 10 000 personnes qui sont interpellées. Mais bien évidemment, le nombre de trafiquants est très nettement supérieur. Car faut-il le rappeler, le trafic de cocaïne est totalement interdit. C'est ce qui en fait un marché certes juteux, mais dangereux, car il peut vous emmener en prison. Retrouvez la chronique écho en podcast sur lapremière.fr. À suivre sur Réunion Première à 13h, le journal de France Info. D'ici là, on écoute Julien Peretta et Lost Frequencies avec Miracle sur la première. When the leaves turned brown, I watched it burn across the sun and above the clouds, the sirens clear. I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in our ghost town. You save me, I save you, a miracle that was meant. I save you, you save me. A miracle at every beat of my heart. At every beat of my heart. At every beat of my heart. À La Réunion, tout de suite, le journal de France Info. La L'info à 11h, Mélodie Pépin. Bonjour Mélodie. Bonjour à tous. François Hollande à Dammartin-en-Goële ce matin pour inaugurer une nouvelle imprimerie 20 mois après la prise d'otage des frères Kouachi. Une réouverture symbolique pour son propriétaire encore traumatisé. La visite se termine, on y sera dans quelques instants. Les prix à la pompe vont-ils augmenter? Possible selon le président de l'Union française des industries pétrolières, vous l'entendrez. Hier, les pays de l'OPEP ont décidé de réduire l'offre pour soutenir les prix. Et puis la rentrée politique de Jean-Marie Le Pen hier soir, que peut-il espérer à 88 ans et ses comités Jeanne d'Arc? On fait le point avec Julien Langlais. France Info. Une nouvelle imprimerie pour aller de l'avant et tenter d'oublier la prise d'otage. C'est ce matin que son propriétaire Michel Catalano inaugure son nouveau bâtiment entièrement refait. L'imprimerie de Dammartin-en-Goële, tristement célèbre à cause des frères Kouachi qui s'y étaient retranchés il y a un an et demi après l'attentat de Charlie Hebdo. Inauguration donc ce matin en grande pompe, Jules de Kiss en présence de François Hollande. Oui, une visite d'une vingtaine de minutes. Michel Catalano a fait le guide. Il a été chaleureusement salué par François Hollande à son arrivée, qui a aussi embrassé la femme et la fille du chef d'entreprise. Avant de dévoiler la plaque inaugurale, une plaque très sobre, le président et Michel Catalano ont dialogué devant l'imprimerie sur le parking